眼睛冷眉眉红腿又这样啊得努得下别把气不发心没来飞为没有说上帝爷爷无泪是没有当山歌你要云哭白素来呀别问Stop somewhere, car il senti C'est l'ambitant, mitant l'océan Où on t'est capable de faire toute folie C'est l'estat qui fait ça autrement Café, moi songer t'en passer